Je suis arrêté. J'éteins les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rapproche de la voiture grise. Oui, réponse C. Non, réponse D.